Pourquoi je suis si malin ? Paragraphe 1 à 5. Pourquoi je sais certaines choses de plus que les autres ? Pourquoi, d'une façon générale, je suis si malin ? Je n'ai jamais réfléchi à des questions qui n'en sont pas. Je ne me suis jamais gaspillé. Les véritables difficultés religieuses, par exemple, je ne les connais pas par expérience. Il m'a toujours complètement échappé comment je pourrais être enclin au péché. De même, tout critérium positif me manque pour savoir ce que c'est qu'un remords. D'après ce que l'on en entend dire, le remords ne me semble être rien d'estimable. Il me déplairait de laisser en plan une action après coup. Je préférerais omettre par principe, dans le problème de la valeur, le dénouement fâcheux, les conséquences. Quand une chose finit mal, il arrive trop facilement que l'on manque de coup d'œil pour ce que l'on a fait. Le remords me paraît être une sorte de mauvais œil. Garder en honneur une chose qui ne réussit pas, précisément parce qu'elle n'a pas réussi, voilà qui serait bien plutôt conforme à ma morale. Dieu, l'immortalité de l'âme, le salut, l'au-delà, ce sont là des conceptions auxquelles je n'ai pas accordé d'attention, au sujet desquelles je n'ai pas perdu mon temps, pas même lorsque j'étais enfant. Peut-être n'étais-je pas assez ingénu pour cela. L'athéisme n'est pas chez moi le résultat de quelque chose, et encore moins un événement de ma vie. Chez moi, il va de soi. Il est une chose instinctive. Je suis trop curieux, trop incrédule, trop pétulant, pour permettre que l'on me pose une question grosse comme le poing. Dieu est une question grosse comme le poing. Un manque de délicatesse à l'égard de nous autres penseurs. Je dirais même qu'il n'est en somme qu'une interdiction grosse comme le poing. Il est défendu de penser. Une autre question m'intéresse bien davantage, et le salut de l'humanité en dépend bien plus que d'une quelconque curiosité pour théologien, c'est la question de la nutrition. On peut la formuler ainsi pour l'usage ordinaire. Comment faut-il que tu te nourrisses, toi, pour atteindre ton maximum de force, de virtu, dans le sens que la Renaissance donne à ce mot de vertu libre de moraline? Les expériences personnelles que j'ai faites sur ce domaine sont aussi mauvaises que possible. Je suis étonné maintenant que je me sois posé si tard cette question, que je n'ai pas su profiter plus tôt de ces expériences pour entendre raison. Seule la vilenie absolue de notre culture allemande, son idéalisme, peut m'expliquer tant soit peu pourquoi, sur ce chapitre, j'étais arrivé à un point qui confinait à la sainteté. Cette culture qui, dès l'abord, enseigne à perdre de vue les réalités pour courir à tout prix après un but problématique, ce que l'on appelle les fins idéales, pour courir, par exemple, après ce que l'on appelle la culture classique, comme si l'effort de réunir ces deux idées, classique et allemand, n'était pas condamné d'avance à un échec certain. Cet effort prête même à rire. Qu'on essaye donc de s'imaginer un habitant de Leipzig avec une culture classique. Le fait est que, jusqu'au moment où j'ai atteint l'âge de la maturité, j'ai toujours mal mangé. Pour m'exprimer au point de vue moral, j'ai mangé d'une façon impersonnelle, désintéressée, altruiste, pour le plus grand bien des cuisiniers et de mes autres prochains. Avec la cuisine de Leipzig, par exemple, en même temps que je faisais mes premières études de Schopenhauer, 1865, j'ai nié très sincèrement ma volonté de vivre. S'abîmer l'estomac en se nourrissant insuffisamment, la dite cuisine me semble résoudre ce problème d'une façon singulièrement heureuse. Mais si l'on considère la cuisine allemande dans son ensemble, que de choses elle a sur la conscience. La soupe avant le repas, dans les livres de cuisine vénitiens du XVIe siècle, cela s'appelle encore alla tedesca. La viande cuite, les légumes rendus gras et farineux, l'entremets dégénéré au point qu'il devient un véritable presse-papier, si l'on y ajoute encore le besoin véritablement animal de boire après le repas, en usage chez les vieux Allemands et non pas seulement chez les Allemands vieux, on comprendra aussi l'origine de l'esprit allemand, de cet esprit qui vient des intestins affligés. L'esprit allemand est une indigestion, il n'arrive à en finir avec rien. Pour ce qui en est du régime anglais, qui, si on le compare au régime allemand et même au français, apparaît comme une sorte de retour à la nature, c'est-à-dire au cannibalisme, il est profondément contraire à mon propre instinct. Il me semble qu'il donne à l'esprit des pieds pesants, des pieds d'anglaise. La meilleure cuisine est celle du Piémont. Les boissons alcoolisées me sont préjudiciables. Un verre de vin ou de bière par jour suffit largement pour que la vie devienne pour moi semblable à une vallée de larmes. C'est à Munich que vivent mes antipodes. En admettant que j'ai appris cela un peu tard, dès mon enfance j'en avais fait l'expérience. Lorsque j'étais gamin, je m'imaginais que de boire du vin et de fumer, ce n'est au début qu'une vanité de jeune homme et plus tard une mauvaise habitude. Peut-être bien que le vin de Nauenburg a contribué à provoquer chez moi ce jugement un peu dur. Pour croire que le vin rassérène, il faudrait que je fusse chrétien. Je veux dire qu'il faudrait que j'eusse la foi, ce qui est pour moi une absurdité. Chose curieuse, si les petites doses d'alcool très diluées me mettent de mauvaise humeur, les fortes doses font de moi un véritable matelot. Dès mon plus jeune âge, je mettais à cela une sorte de bravoure. Rédiger une longue dissertation latine en une seule veillée nocturne et la mettre au propre, avec l'ambition dans la plume d'imiter par l'exactitude et la concision mon modèle Salluste. Verser sur mon latin quelques grogues du plus fort calibre, quand j'étais élève de la vénérable école de Pforta. Tout cela n'était nullement en contradiction avec ma physiologie, ni même avec celle de Salluste. Quoi qu'en puisse penser la vénérable école de Pforta. À vrai dire, plus tard, vers le milieu de ma vie, je me décidai de plus en plus contre l'usage de toute espèce de boisson spiritueuse. Moi qui suis, par expérience, l'adversaire du végétarianisme, tout comme Richard Wagner, qui m'a converti, je ne saurais conseiller assez énergiquement l'abstention absolue de l'alcool à toutes les natures d'espèces spirituelles. L'eau fait l'affaire. J'ai une prédilection pour les endroits où l'on a partout l'occasion de puiser dans les eaux courantes. Nice, Turin, Sils. Un petit verre d'eau me court après comme un chien. In vino veritas, il semble bien que pour la notion de vérité, me voilà encore en désaccord avec tout le monde. Chez moi, l'esprit plane sur les eaux. Voici quelques indications encore au sujet de ma morale. Un repas substantiel est plus facile à digérer qu'un repas léger. Une des premières conditions pour une bonne digestion, c'est que l'estomac entre en activité dans sa totalité. Il faut connaître la dimension de son estomac. Pour la même raison, il faut éviter ces repas interminables que j'appellerai des sacrifices ininterrompus, les repas que l'on prend à table d'hôte. Pas de collation entre les repas, point de café, le café assombri. Le thé n'est salutaire que le matin. Il faut le prendre en petite quantité, mais très fort. Il devient préjudiciable et peut indisposer pour toute la journée s'il est d'un degré trop faible. Sur ce chapitre, chacun a sa propre mesure qui oscille parfois entre les limites les plus étroites et les plus délicates. Dans un climat très agaçant, il faut déconseiller le thé pris à jeun. Il faut commencer une heure auparavant avec une tasse de cacao épais et déshuilé. Être assis le moins possible, ne pas ajouter foi à une idée qui ne serait venue en plein air, alors que l'on se meut librement. Il faut que les muscles aussi célèbrent une fête. Tous les préjugés viennent des intestins. Le cul de plomb, je l'ai déjà dit, c'est le véritable péché contre le Saint-Esprit. La question du lieu et du climat est étroitement liée à la question de la nutrition. Personne n'est libre de vivre indifféremment n'importe où. Celui qui a de grands problèmes à résoudre, des problèmes qui mettent à contribution toute sa vigueur, n'a même qu'un choix très restreint à faire. L'influence du climat sur l'assimilation et la désassimilation, leur ralentissement et leur accélération, va si loin qu'une erreur de lieu ou de climat peut non seulement éloigner quelqu'un de sa tâche, mais encore lui rendre celle-ci parfaitement étrangère. Elle reste hors de sa vue. La vigueur animale n'a jamais été assez grande chez lui pour qu'il parvienne à ce sentiment de liberté qui envahit l'esprit, où quelqu'un peut dire « Moi seul, je puis faire cela ». Une petite paresse des intestins qui s'est transformée en mauvaise habitude suffit amplement pour faire d'un génie quelque chose de médiocre, quelque chose d'allemand. Le climat de l'Allemagne est suffisant à lui seul pour décourager de fortes entrailles et même celles qui sont portées à l'héroïsme. L'allure de l'assimilation est en rapport direct avec la mobilité ou la paralysie des organes de l'esprit. L'esprit lui-même n'est, en fin de compte, qu'une forme dans l'évolution de la matière. Grouper les lieux où il y eut de tout temps des hommes spirituels, où l'esprit, le raffinement, la malice faisaient partie du bonheur, où le génie se sentait presque nécessairement chez lui. Ils jouissent tous d'un air merveilleusement sec. Paris, la Provence, Florence, Jérusalem, Athènes. Ces noms démontrent quelque chose. Le génie est conditionné par un air sec, par un ciel clair, c'est-à-dire par une rapide assimilation et désassimilation, par la possibilité de se procurer sans cesse de grandes et même d'énormes quantités de force. J'ai devant les yeux l'exemple d'un esprit remarquable et de disposition libre, qui, parce qu'il manquait de discernement dans les questions de climat, devint étroit, rampant, spécialiste et grognon. Et moi-même, j'aurais, en fin de compte, pu illustrer ce cas en admettant que la maladie ne m'eût pas fait entendre raison, ne m'eût pas forcé à réfléchir sur la raison dans la réalité. Maintenant que, par suite d'une longue expérience, je déduis les effets d'origine climatérique et météorologique sur moi-même, comme sur un instrument subtil et éprouvé, maintenant qu'un court voyage, par exemple de Turin à Milan, me suffit à contrôler physiologiquement sur moi-même le degré d'humidité de l'air, je songe avec terreur à ce fait inquiétant que ma vie, jusqu'à ces 10 dernières années, les années qui ont mis mes jours en danger, s'est toujours déroulée en des lieux inappropriés et qui eussent dû m'être littéralement interdits. Nuremberg, l'école de Pforta, la Thuringe en général, Leipzig, Bâle, Venise, autant de lieux de malheur pour ma physiologie particulière. Si, d'une façon générale, de toute mon enfance et de toute ma jeunesse, je ne possède pas un seul souvenir agréable, ce serait une erreur de faire valoir ici des excuses dites morales, par exemple l'indiscutable pénurie d'une société suffisante. Car cette pénurie existe encore aujourd'hui, comme elle a toujours existé, sans que cela m'empêchât d'être gai et brave. Par contre, l'ignorance en matière physiologique, le maudit idéalisme, est la véritable fatalité de ma vie, ce qu'il y a de superflu et de bête en elle, quelque chose dont rien de bon n'est sorti, quelque chose pour qui nul accommodement, nulle compensation n'est possible. C'est par cet idéalisme que je m'explique toutes les méprises, toutes les grandes aberrations de l'instinct, tous les actes d'humiliation que j'ai commis en m'écartant de la tâche véritable de ma vie. Pourquoi suis-je, par exemple, devenu philologue? Pourquoi pas médecin? Ou du moins quelque chose qui m'eût ouvert les yeux? Pendant que j'étais à Bâle, tout mon régime intellectuel, sans en excepter la division du temps, n'était qu'un gaspillage absolument insensé de forces extraordinaires sans qu'il y ait eu compensation par l'adduction de forces nouvelles, sans que j'aie songé même à trouver une compensation à ce gaspillage. C'était l'absence de tout quant à soi, de toute sauvegarde d'un instinct impératif. C'était une assimilation de soi-même à n'importe qui, un désintéressement, un oubli des distances. Quelque chose que je ne me pardonnerai jamais. Lorsque je fus presque au bout, par le fait que j'étais presque à bout, je me mis à réfléchir à la profonde déraison de ma vie, à l'idéalisme. La maladie seule me ramena à la raison. C'est vers un petit nombre de vieux auteurs français que je retourne toujours à nouveau. Je ne crois qu'à la civilisation française, et tout le reste que l'on appelle en Europe « culture » me semble un malentendu, pour ne rien dire de la civilisation allemande. Les rares cas de haute culture que j'ai trouvés en Allemagne étaient tous d'origine française. Ainsi, et surtout en était-il de Madame Cosima Wagner, la voix de beaucoup la plus autorisée en matière de goût que j'ai jamais entendue. Si je lis Pascal, si je l'aime comme la victime la plus intéressante du christianisme, lequel a lentement assassiné d'abord son corps puis son âme, comme le résultat logique de cette forme la plus effroyable de la cruauté inhumaine. Si j'ai quelque chose de la fantaisie capricieuse de Montaigne dans l'esprit et, qui sait, peut-être dans le corps. Si mon goût artistique défend, et non sans une certaine âpreté, les noms de Molière, de Corneille et de Racine contre un génie inculte comme Shakespeare. Cela ne m'empêche nullement de trouver aussi un très grand charme dans la compagnie des tout derniers venus d'entre les Français. Je ne vois pas dans quel siècle de l'histoire on pourrait réunir, par un plus beau coup de filet, des psychologues si curieux et en même temps si délicats que dans le Paris actuel. Je nomme au hasard, car leur nombre est considérable. Monsieur Paul Bourget, Pierre Loti, Jeep, Mélac, Anatole France, Jules Lemaître, et pour en distinguer un autre, de ceux de la forte race, un vrai latin que j'aime particulièrement, Guy de Maupassant. Je préfère, entre nous soit dit, cette génération même à ces maîtres qui ont été corrompus par la philosophie allemande. Partout où atteint l'Allemagne, elle corrompt la culture. Ce n'est que depuis la guerre que l'esprit a été libéré en France. Stendhal est un des plus beaux hasards de ma vie, car tout ce qui fait époque chez moi m'a été amené par le hasard et nullement par des recommandations. Il est absolument inappréciable à cause de sa psychologie qui anticipe, à cause de son art de saisir les faits, un art qui rappelle celui du plus grand des réalistes, ex ungue Napoléonem, enfin, et ce n'est pas là sa moindre qualité, comme honnête athée. Une espèce rare en France et que l'on a de la peine à découvrir. Honneur soit rendu à Prosper Mérimée. Peut-être suis-je même jaloux de Stendhal. Il m'a enlevé l'une des meilleures plaisanteries d'athée que j'aurais pu faire. La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. Moi-même, j'ai dit quelque part, « Quelle fut jusqu'à présent la plus grande objection contre l'existence ? Dieu. » La plus haute conception du lyrisme m'a été donnée par Henry Heine. Je cherche en vain, dans tous les domaines qui s'étendent sur des milliers d'années, une musique à ce point douce et passionnée. Il possédait cette méchanceté divine sans laquelle je ne saurais imaginer la perfection. Je juge la valeur des hommes et des races selon le besoin qu'ils ont d'identifier leur dieu avec un satyre. Et comme il manie la langue allemande. On dira un jour que Henri et moi, nous avons été de beaucoup les plus grands artistes de la langue allemande et que nous laissons bien loin derrière nous tout ce qui a été fait par ceux qui n'étaient que des Allemands. Je dois avoir une parenté intime avec le Manfred de Byron. Tous les gouffres de son âme, je les ai trouvés au fond de moi-même. À 13 ans, j'étais mûr pour cette œuvre. Je ne perds pas un mot, à peine un regard pour ceux qui, en présence de Manfred, osent parler de Faust. Les Allemands sont incapables de concevoir le sublime sous quelque forme que ce soit. Témoin Schumann. De rage contre toutes les choses doucereuses, j'ai composé à dessein une contre-ouverture de Manfred, dont Hans de Bülow disait qu'il n'avait jamais rien vu de semblable sur du papier à musique. Il appelait cela « violet euterpe ». Lorsque je cherche ma formule la plus élevée de Shakespeare, je n'en trouve pas d'autre, sinon celle-là, qu'il a conçu le type de César. Voilà des choses que l'on ne devine pas. On est César ou on ne l'est pas. Le grand poète ne puise jamais que dans sa réalité propre, au point qu'il lui arrive après coup de ne plus pouvoir supporter son œuvre. Quand il m'arrive de jeter un regard sur mon Zarathoustra, je me promène pendant une demi-heure dans ma chambre, incapable de me rendre maître d'un intolérable accès de sanglots. Je ne connais pas de lecture qui déchire le cœur autant que Shakespeare. Combien un homme a dû souffrir pour avoir à ce point besoin de faire le pitre ? Comprend-on Hamlet ? Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Mais pour sentir ainsi, il faut être profond, il faut être philosophe, il faut avoir un abîme en soi. Nous avons tous peur de la vérité. Et que je fasse ici un aveu, je suis instinctivement certain que Lord Bacon est le créateur, le tortionnaire de cette sorte de littérature, la plus inquiétante qui soit. Que m'importe le pitoyable bavardage de ces esprits américains plats et confus ? La prodigieuse puissance dans la réalité des visions est non seulement compatible avec la puissance de l'action, du crime, elle en est même le corollaire. Nous sommes loin d'en savoir assez sur Lord Bacon, ce premier réaliste, au sens le plus vaste du mot, pour savoir tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a voulu, tout ce qu'il a vécu avec lui-même. Allez donc au diable, messieurs les critiques. En admettant que j'ai signé mon Zarathoustra d'un nom qui n'était pas le mien, par exemple du nom de Richard Wagner, la sagacité de 2000 années n'aurait pas suffi pour deviner que l'auteur d'Humain trop humain était le visionnaire de Zarathoustra. En cet endroit où je parle des récréations de ma vie, il faut que je dise un mot pour exprimer ma reconnaissance envers ce qui m'a toujours et de tout temps recréé le plus profondément et le plus cordialement. Sans aucun doute, ce furent mes relations intimes avec Richard Wagner. Je fais bon marché de tous mes autres rapports avec les hommes. À aucun prix je ne voudrais effacer de ma vie les journées passées à Triebschen, des journées de confiance, de gaieté, de hasard sublime, de moments profonds. Je ne sais pas ce qui est arrivé à d'autres avec Wagner. Au-dessus de notre ciel, jamais un nuage n'a passé. Et en parlant ainsi, je reviens encore une fois à la France. Je n'ai pas de raison à invoquer contre les Wagneriens et hoc genus omnes, qui croient honorer Wagner en le trouvant semblable à eux-mêmes. Ils ne font que m'arracher une grimace. Tel que je suis, étranger dans mes instincts les plus intimes à tout ce qui est allemand, à un point que le voisinage d'un Allemand suffit à retarder ma digestion, le premier contact avec Wagner fut le premier moment dans ma vie où je pus respirer librement. Je considérais Wagner, je le vénérais comme un produit de l'étranger, comme un contraste, comme une protestation vivante contre les vertus allemandes. Nous autres qui, tout enfants, avons respiré l'air marécageux des années 1850, nous sommes nécessairement des pessimistes pour tout ce qui touche à l'idée allemande. Il nous est impossible d'être autre chose que des révolutionnaires. Nous n'admettons pas un état de choses où les Tartuffes ont la haute main. Qu'ils aient arboré aujourd'hui d'autres couleurs, qu'ils soient vêtus d'écarlate ou qu'ils paradent en uniforme de hussard, cela m'est parfaitement indifférent. Eh bien, Wagner était un révolutionnaire. Il avait pris la fuite devant les Allemands. En tant qu'artiste, on ne saurait avoir en Europe d'autre patrie que Paris. La délicatesse des cinq sens en art, qui est une des conditions de l'art wagnérien, le sens des nuances, la morbidesse psychologique, tout cela ne se rencontre qu'à Paris. Nulle part ailleurs on ne trouve cette passion pour tout ce qui touche aux questions de la forme. Ce sérieux dans la mise en scène, c'est par excellence le sérieux parisien. En Allemagne, on ne se doute pas de l'ambition énorme que nourrit au fond de son âme un artiste parisien. L'Allemand est Bonas. Wagner n'était rien moins que Bonas. Mais j'ai déjà suffisamment expliqué à quel domaine appartient Wagner, quels sont ses proches parents. Il est un de ces romantiques français de la seconde période, de l'espèce sublime et entraînante à laquelle appartenaient des artistes comme Delacroix, comme Berlioz, possédant dans l'intimité de leur être un fond de maladie, quelque chose d'incurable, tous fanatiques de l'expression, virtuoses de part en part. Qui donc fut le premier partisan intelligent de Wagner? Charles Baudelaire, le même qui fut le premier à comprendre Delacroix, ce décadent type en qui toute une génération d'artistes s'est reconnue. Il fut peut-être aussi le dernier. Ce que je n'ai jamais pardonné à Wagner, c'est qu'il condescendit à l'Allemagne, qu'il devint allemand de l'Empire. Partout où va l'Allemagne, elle corrompt la civilisation. Tout bien considéré, ma jeunesse ne m'eût pas été tolérable sans la musique wagnérienne, car j'étais condamné aux Allemands. Quand on veut se débarrasser d'une insupportable oppression, on prend du haschisch. Eh bien, moi j'avais besoin de Wagner. Wagner est l'antidote contre tout ce qui est allemand par excellence. Il est un poison, je n'y contredis pas. Dès le moment où il y eut une partition pour piano de Tristan, mes compliments, monsieur de Bülow, je fus wagnérien. Les ouvrages antérieurs de Wagner m'apparaissaient comme au-dessous de moi. Ils étaient encore trop vulgaires, trop allemands. Aujourd'hui encore, je cherche vainement, dans tous les arts, une œuvre qui égale Tristan par sa fascination dangereuse, par son épouvantable et douce infinité. Toutes les étrangetés de Léonard de Vinci perdent leur charme lorsque l'on écoute la première mesure de Tristan. Cette œuvre est absolument le nec plus ultra de Wagner. Les maîtres chanteurs et l'anneau n'étaient ensuite qu'un délassement. Devenir plus sain pour une nature comme Wagner, cela équivaut à un recul. Je considère que c'est pour moi un bonheur de tout premier ordre d'avoir vécu en temps voulu, d'avoir vécu précisément parmi les Allemands, pour être mûr pour cette œuvre. La curiosité du psychologue va chez moi jusque-là. Le monde est pauvre pour celui qui n'a jamais été assez malade pour goûter cette volupté du ciel. Il est permis, presque commandé, d'employer ici une formule mystique. Je crois que je sais mieux que n'importe qui de quel prodige Wagner est capable. L'évocation de 50 univers de ravissements étranges que personne autre que lui ne peut atteindre à tire-d'aile. Et, tel que je suis, assez fort pour faire tourner à mon avantage ce qu'il y a de plus problématique et de plus dangereux, afin de devenir plus fort encore, j'appelle Wagner le plus grand bienfaiteur de ma vie. Ce qui nous unit, c'est que nous avons profondément souffert. Souffert aussi l'un par l'autre, plus que les hommes de ce siècle seraient capables de souffrir. Cette alliance associera éternellement nos noms dans l'avenir. Si Wagner n'est parmi les Allemands qu'un malentendu, je le suis avec autant de certitude et le serai toujours. Il vous faudrait d'abord 2 siècles de discipline psychologique et artistique, messieurs les Germains. Mais on ne rattrape pas de pareilles choses.